de joie pour le Seigneur. Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main? C'est pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Yeah. Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pendant ce temps, nous appelons la chorale des jolis sites pour qu'elles viennent adorer avec nous. Mais avant qu'ils ne viennent, est-ce que nous pouvons les encourager avec des acclamations? Est-ce que nous pouvons les encourager vraiment avec des acclamations? Amen, amen. Quand la Bible nous dit que tout ce qui respire, la respiration prend deux parties. Nous avons l'inspiration et l'expiration. Mais quand je vois la manière dont nous acclamons, ça me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire réellement le souffle du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer et encourager notre chorale? Alléluia. Amen, amen, Église. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Ah non, non, non, non, non. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Est-ce qu'il y a de la joie? Tout s'écrit. Ah, est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Ne te fatigue pas. Quand nous sommes venus pour louer, dis à ton voisin que nous sommes venus pour louer. Ah. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Ah, est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie qui peut bouger avec moi? Tikita, tikita. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai, de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté. Il y a que Dieu qui t'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré. Tu oui. De tout péché. Oh oui, je chanterai. Je chanterai de tout cœur. Le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh oui, je chanterai. Je chanterai de tout cœur. De tout cœur, que soit la louange et l'adoration, Elohim. Il m'a rendu de ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa, mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'a pas abandonné. Ah, papa, papa, alléluia, alléluia. Encore une fois, mon papa, mon papa, mon papa est fidèle. Oh, ne commande pas à te. Alléluia. Jésus. Oui, je suis dans la joie des morts. Ah, une joie. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie des morts, Papa Jésus. Ta ta ta. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah. Yahweh m'a libéré. Oh. Ah. Est-ce que tu peux manifester la joie? Wapi Mololo. Oh, je suis dans la joie. Une joie qui est immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie de mon Jésus. Je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Ah, Wabie, tiki. Wapi juste un piano. Wapi Jérusalem. Ah. Oh Jérusalem. Jérusalem. Yezokota kiloko la mokosi. Jérusalem. Kota. Jérusalem. Yezokota kiloko la mokosi. Jérusalem. Jérusalem, Yesokota kiloko la mokosi. Jérusalem, Kota. Jérusalem, Yesokota kiloko la mokosi. Jérusalem, Jérusalem, Yesokota kiloko la mokosi. Jérusalem, Kota. Jérusalem, Yesokota kiloko la mokosi. Jusqu'à l'ukolo ya mpunde. Togo bouger, tu ne peux pas parler papa à ta sema bouger. Est-ce que papa désirait peut dire bouger? Si ne dit pas bouger, tout à gâti château pagé. Alléluia. Non, papa, nous avons besoin que Bantu te bachikie. Ah! Oh boula, oh le bouger! Jérusalem, Jérusalem, Yesokota kiloko la moko. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem, il faut en lui bébé. Il bébé. Nous sommes dans la joie ce soir. On continue avec la louange. Cette fois-ci, on appelle la grande chorale. La grande chorale. Pendant qu'elle est en train de venir, est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a gardé pendant 12 mois ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a protégé? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a sécurisé? Avant qu'on commence, j'aimerais d'abord rappeler à l'église la vraie et la meilleure signification de la respiration. Nous avons dit que la respiration avait deux parties, l'inspiration et l'expiration. L'inspiration dit: Seigneur Jésus, tu es Dieu. L'expiration dit: j'ai confiance en toi, Papa. Une autre manière de définir encore, l'inspiration veut dire: viens Saint-Esprit. L'expiration veut dire: remplis-moi de ta paix. Une autre signification encore dit: l'inspiration, reçoit ta force. L'expiration, je remets mes fardeaux entre tes mains. Et la dernière dit: l'inspiration dit: viens à moi l'Esprit de Dieu. Et l'inspiration dit: prends mes peurs et mes inquiétudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans toutes ces définitions, qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. J'aimerais que nous tenions debout. Qu'on se tienne debout avec les mêmes mouvements qu'on avait. La même ferveur. La même détermination. Pour mieux louer notre Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer les rois des rois? Est-ce que tu peux pousser encore les cris de joie? On peut encore continuer. Continuons avec les acclamations. Jusqu'à atteindre le ciel, jusqu'à atteindre le trône de Dieu. Est-ce que des cris de joie peuvent monter? Montez encore jusqu'au ciel, montez encore jusqu'au ciel. Poussez des cris de joie. Est-ce que tu peux marcher pour la gloire de Dieu? Tu peux marcher, marque les pas, marque les pas. Tu peux marquer, marquer les pas, marquer les pas. Nani chauffeur et naïo. Chauffeur Nani chauffeur et naïo. Chauffeur Marque les pas, on y va. Tambola, tambola, tambola, tambola. Il y a une maman qui fait sa traversée ce soir. Marche, marche. Un papa qui va jusqu'en 2026. Kakabo. Tu es en train d'aller jusqu'à ta gloire. On y va. C'est... Nani chauffeur et naïo. Chauffeur Nani chauffeur Nayo. Chauffeur Jérusalem, yeah, yeah, yeah, yeah. Jérusalem, toko kota mbolo kola bakosi. Jérusalem, yeah, yeah, yeah, yeah. Jérusalem, toko kota mbolo kola bakosi. 2026, yeah, yeah, yeah, yeah. 2026, toko kota mbolo kola bakosi. Jérusalem, yeah, yeah, yeah, yeah. Sois en position. On y va. Allez, Kota. Kota. Kota. Kota. Kagabo. C'est. Tu le fais bien. Tu le fais bien. C'est. 2026. Yeah, yeah, yeah, yeah. 2026, Toko Kotangolo Kola Bakosi. Jérusalem, sois en position. Allez, on y va. Allez, à Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota. Pour Jésus. Natonti okolo, alléluia, natonti okolo, amen, amen. Natonti okolo, alléluia, natonti okolo. Natonti okolo, alléluia, natonti okolo, amen, amen. Natonti okolo, alléluia, natonti okolo, amen, amen. Oh, nambo sani deshilo, bisika yo swanga na yemeli yo papa nanga, yo ku mama. Natonti okolo, alléluia. Somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, som c'est toi. Yesu libanga nanga kumisama yonde longa nanga papa ye. Yesu libanga nanga kumisama yonde longa nanga papa ye. Libanga na baraki na lisi basamba lolo yonde makasi nanga Yesu nanga yo yo yo. Yesu libanga nanga kumisama yonde longa nanga papa ye. Yesu libanga nanga samba lole yonde longa na papa e. Yesu libanga nanga kumisama yonde longa na papa e. Oh simbanga na loboko Yesu e. Soki otiki ngai na kokwe na kozindama. Simbanga na loboko. Ah tu le fais bien, tu le fais bien. Ah, Simba, Simba, Simba, Bambuna Walembe, Soki o tiki ngai na kokwe na konyatama. Ah, tombola, kitisa, ah, tombola, ah, kitisa, ah, tombola, ah, kitisa, ah, tombola, ah, kitisa, ah, tombola, ah, kitisa, ah, tombola, ah, kitisa. Est-ce que tu peux danser pour la gloire de Dieu? Mokili mobi passi manga la lola, manga na zabe akubamba, alléluia. Mokili mobi passi manga la lola, manga na zabe akubamba, alléluia. Tu peux pousser des cris de joie. Chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka cha Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka, tchaka tchaka. Pamola, yoga, Bien-aimés, nous acclamons pour Dieu une fois de plus. Alléluia. Comme je l'ai dit le matin, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Alléluia. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de nous tous qui sommes là. Et c'est lui qui vient de la terre et de la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui vient d'en haut, Jésus-Christ? Alléluia. Je vois que vous ne vous êtes pas encore rendu compte. Bakuba basha kutubebe ki chaka chaka huku. Bego na pika ki chaka chaka. Alléluia. Amen. Kama bo bego na pika ki chaka chaka. Sheyi fo twende au-delà de ki chaka chaka. Alléluia. Tumupikia mbele Mungu mikono mzuri. Alléluia. Tumupikia tena Mungu mikono ya bien. Tukunampikia huyu Mungu mikono ule alitushindia kwanza janvier kutufikisha décembre. Nous ne sommes qu'à deux pas de la traversée. Ce Dieu puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu victorieux. Il a gardé notre santé. Nous l'acclamons encore une fois de plus. Alléluia. Bien aimé, peut-être que vous allez vous rendre compte. Mais pas le cas là, on est en Shanghaïcha. Même si on est en Shanghaïcha. On est en Shanghaïcha. Alléluia. Mungu anatuchunga pendant 350. Je pense 52 ou 53 jours. 63 jours. Il ne nous reste que 2 jours. Du tout pique 1, 2. Tunengyandani. Oyo Mungu anatushindia pendant 40 jours ya mulima. Tunakuya busubui, tunakuya mangaribi. Turiona sema tutanguka, mea tuanguke. Tuko venye kushimama. Est-ce qu'on peut encore une fois l'acclamer, ce grand Dieu? Tout piqué comme Mungu Mikon, parce qu'il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Tel que nous sommes debout, nous invitons Holy Praise à nous plonger pendant un moment d'intimité, un moment d'adoration. Nous voulons adorer celui qui est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon, il est tellement grand. Pendant ce moulis, ma 30, crois que le Seigneur a exaucé à toutes tes prières. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. J'aime tellement le Seigneur parce qu'il est bon. Essaye de voir ta vie et commencer à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie, parce qu'il est tellement bon. Nous allons chanter « Il est fidèle ». Il est fidèle parce que Dieu est merveilleux. Je fais expressement de rester avec ma chorale parce que je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il est fidèle. Jésus est fidèle. C'est très facile. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. J'aimerais que tu commences à voir ce que Dieu a fait pour toi. Et tu crois qu'il va entrer avec toi en 2026. Et tu crois qu'il va faire des choses merveilleuses. Oui, si tu crois, le Seigneur est capable de faire des choses qui vont transformer ta vie. Alors c'est pourquoi ce soir, élève le nom de Jésus. N'attends pas la musique, dis à Dieu, je te dis merci pour ce que tu vas faire. Sa parole déclare que croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors bénis le Seigneur pour sa fidélité. Même quand nous trébuchons, lui, il reste fidèle. Oui, tu attends un enfant, tu attends une promotion, tu attends un travail. Continue à adorer ce Dieu-là. Bénis-le pour tout. Bénis-le pour tout parce qu'il est merveilleux. Il est tellement bon. Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia. Je te lève ce soir parce que tu es merveilleux. Il est fidèle, Seigneur, nous te levons. Nous te levons, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Il n'a jamais. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oui, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Même dans les moments les plus durs, je sais que tu es avec moi. C'est pourquoi je te lève ce soir. Je te glorifie parce que tu es bon. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te levons ce soir parce que tu es grand. Zambo atombo la kabato, va fani na katia poussière. Au fani si bango na batwa minene. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il ne te mentira jamais. Il est fidèle. Alléluia. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Oui. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle. Oui, je sais qu'il est vivant. Oui, moi je sais qu'il est présent dans ma vie. Oui, je sais qu'il est vivant. Oui, moi, je sais qu'il ne ment jamais. Oui, je sais qu'il agit. Il agit. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Je t'ai vu de tes propres yeux. Peut-être que tu as entendu que Dieu donne des enfants, accroche-toi, il va te les donner. Peut-être que tu as entendu que Dieu donne le travail, il va te les donner. Oui, j'ai prié pour Dieu, il m'a exaucé. propres yeux. Oui, j'ai entendu parler de Yahweh. Je le vis de mes propres yeux. Je le vis de mes propres yeux. J'adore le nom je de le Jésus. Je le vis de mes propres yeux. Je le vis de mes propres yeux. Je le vis de mes propres yeux. Oui, j'ai entendu parler de Jésus. Je le vis de mes propres yeux. Oui, je le vends, Seigneur, parce que tu vas faire des grandes choses. Merci, Jésus, parce que tu es bon. Tu es bon, tu agis, Seigneur. Tu es comme toi, le Dieu fidèle. Le Dieu d'amour chez toi, papa. Au Kosakate, au Salakamaka, mon Ata, mon Ayo. Oui, j'ai entendu parler de Jésus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Peut-être que tu as entendu Dieu guérir les malades. Crois seulement, il va te guérir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as entendu qu'il donne des enfants. Crois seulement, il va te donner. Je l'ai vu de mes propres yeux. Notre Dieu est un Père. Il agit au temps convenable et il est bon. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, tu le verras, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Oui, j'ai entendu parler de Jésus. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Tu peux lever ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, bénis la fidélité de Dieu. Oh, il est merveilleux. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est resté fidèle toute la nuit. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Tu es toujours fidèle. Oui, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Bénis la fidélité de Dieu, Seigneur. Jour pour jour, Dieu t'a gardé. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Si vous avez entendu chanter une chanson, là, je vais demander, c'est pas vous avez répété, souviens-toi de moi, Seigneur. Je n'ai pas demandé. Ça, je n'ai pas demandé. J'ai demandé quelle chanson? Oh, que vous pouvez chanter ça. Que Dieu vous bénisse. On peut chanter cette chanson pendant un petit moment. Avant d'écouter la parole de Dieu, Dieu a été fidèle pendant toute l'année 2025 et il restera encore fidèle en 2026. La fidélité de Dieu ne change pas. En lisant dans le livre de Jacques, il nous dit, lui il est fidèle même quand nous nous sommes infidèles, ça c'est grave. Il est toujours fidèle. Il faut seulement avoir un Dieu comme notre Dieu. Alors bénis la fidélité de Dieu. Pendant que nous chantons, si tu connais le cantique, tu chantes avec la chorale. Oh merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité toute l'année 2025. Chacun de nous, quelque part, peut témoigner ta fidélité. Dans des moments qu'il a traversés, de joie comme de supposées difficultés, nous avons vu ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous bénissons ton nom. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais d'abord recevoir quelques invités. Je sais que le premier, nous aurons un culte d'ensemble pour donner le thème de l'année. Mais je demande à toutes les sœurs de toutes les chorales de voir Mama Gloria. Je sais pourquoi, elle sait pourquoi. Alors voyez-la. Parce que le premier, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Les frères, évidemment, les sœurs. J'ai dit les sœurs. Les sœurs. Les frères aussi, des chorales, les choristes. Voyez, Mama Gloria. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de certains hommes de Dieu que nous voyons au milieu de nous. Je vois le pasteur Abdon de notre église de Kamatanda. Que Dieu le bénisse vraiment. Pendant Moulima, il a été fidèle. Est-ce qu'on peut le recevoir et acclamer le Seigneur pour lui? Nous prions que Dieu le visite. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois aussi un couple que j'aime beaucoup, Papa Vincent et Maman Marie. Ils peuvent se lever aussi. Est-ce qu'on peut les recevoir dans la maison de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment, Papa. Veuillez vous asseoir. Je vois aussi un de mes enfants, Jerry, qui est venu de Lumbashi juste pour la clôture de Moulima. Lève-toi si on va te recevoir aussi. Oh, je bénis le Seigneur. Il est arrivé hier de quelque part. Il dit non, je viens quand même assister à la clôture de Moulima. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Moulima 30, nous avons passé plusieurs jours devant la face du Seigneur. C'est notre programme de fin d'année. Il ne varie pas, mais les jours varient. Tantôt c'est 20 jours, tantôt c'est 21, tantôt c'est 30, tantôt c'est 40. Et l'année prochaine, on verra comment Dieu va nous conduire. Mais c'est un programme intense de prière. Et cette année, ça a été un Moulima particulier. Parce que même le samedi, nous avons introduit une nouvelle notion de masterclass. Où nous avons enseigné. Bien aimé, c'est très important l'enseignement. Si vous voulez changer un homme, changer sa façon de penser. Et si vous voulez changer la façon de penser de quelqu'un, donnez-lui certains enseignements. C'est comme ça que parfois on nous fait passer des publicités, de Coca-Cola, tu finiras par boire le Coca-Cola. On te fait passer les publicités des marques d'eau, tu finiras par manger cette histoire. Pizza, tu finiras par manger la pizza. On introduit dans ta tête certaines choses. Les gens de ce monde ont compris ce principe. Et c'est pourquoi les enseignements sont très importants. Jésus a passé 3 années et demie en enseignant. Il faisait les miracles à l'extérieur, mais quand il rentrait avec les disciples, il enseignait. Je n'ai pas vu un endroit où ils sont assis, il fait le miracle seulement. Non. Eux devaient recevoir les enseignements pour qu'ils aient accompli les miracles après. Mais il faut aimer les enseignements. Alors, avant de continuer, au lieu que je cite tous les orateurs qui sont intervenus ici, je ne sais pas si le portrait de Moulima est prêt. On peut nous donner le premier portrait. Un temps exceptionnel de grâce et de paix. Exceptionnel de grâce. L'Église source féconde vous invite à un temps exceptionnel de grâce et de transformation. Moulima 30. Un rendez-vous avec Dieu. Un temps fort de jeûne et de prière. Un temps qui bénit la vie de tous. tous ceux qui cherchent ardemment la face de Dieu. Nous avons la grâce d'accueillir d'éminents hommes de Dieu. Le pasteur Trésor Fambouane, l'apôtre Hippolyte Ferro, l'apôtre Samuel Lundi, le docteur David Kateba, le docteur Luc Mouteba, sous la conduite de notre hôte, le révérend pasteur Désiré Mbal. Du 23 novembre au 22 décembre, chaque jour à partir de 16h. Église de Dieu, ne manquez pas ce rendez-vous divin. Aujourd'hui, accueillons avec joie l'orateur du jour, le pasteur Trésor Fambouane. Lima 30, votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Delphi Kitambo, Kinshasa. Tuli Anjana, prophète Trésor. Le pasteur Trésor. Pasteur Trésor. Et après, c'était le. L'apôtre Hippolyte Fellow de France. Après, c'était le docteur Luc Mouteba. Après, nous avons eu le docteur David Kateba. Et cette semaine, nous avons été bénis et nous serons bénis encore cet après-midi par l'apôtre Samuel Lumbu de Tanzanie. Voilà, Dieu a envoyé toutes ces grâces au milieu de nous pour que nous soyons bénis. Vous savez, Paul, il écrit aux Romains avant qu'ils ne partent même à Rome. Il dit, j'ai toujours cherché à venir auprès de vous pour vous communiquer des grâces. Dans la présence d'un homme de Dieu qui travaille au milieu de nous. C'est un messager divin, c'est un messager de Dieu pour nous communiquer certaines grâces importantes pour la suite de ta vie. Alléluia. Amen. Dans quelques jours, l'année 2025 se termine. Le calendrier des hommes va bouger. Mais la destinée de Dieu pour toi ne change pas. Alléluia. Ce que Dieu a promis, ça va se faire. Et ça se fera. Il faut avoir confiance au Seigneur. Quel que soit le vent, quel que soit le déluge, parce que même pendant le déluge, Dieu reste sur son trône. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pour tous les hommes de Dieu qui ont travaillé, pour l'église sous féconde, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait preuve de patience, preuve de résilience, de courage, et aujourd'hui nous allons atterrir par rapport au programme de Mulima 30. Ça ne suffit pas que tous les programmes de l'église se terminent aujourd'hui. Et j'en profite déjà pour vous donner le programme de l'église la semaine qui commence demain. Nous avons dit toute la semaine, nous aurons culte seulement le jeudi matin à 9h. Ce sera le 1er janvier où nous allons donner le thème de l'année 2026. Et nous allons donner le thème et donner le résumé de la pensée que Dieu nous a donnée pour 2026. C'est pourquoi nous prions que chacun de nous soit là pour écouter la pensée et la vision de Dieu pour 2026. Donc toute la semaine, nous avons culte seulement le jeudi 1er janvier. Dans l'entretemps, à partir de demain, L'église est ouverte de 9h à 17h. C'est un moment de méditation. Tu viens dans l'église, tu, avec un cahier, un bic, tu prends la chaise dans un coin, tu regardes dans un mur, tu regardes devant ou derrière, tu médites sur ta vie. Sur la situation de ta famille, de ta vie, de ton travail, de ton ministère. Qu'est-ce que tu as fait en 2025? Quelles sont les décisions que tu prends pour 2026? Que tu peux déjà recommander à Dieu maintenant par rapport à tout ce que tu as accumulé pendant ce Moulima 30. L'Esprit de Dieu va t'aider. Les gens qui vont loin dans leur vie sont les gens qui savent s'arrêter à un moment donné, réfléchir et prendre des engagements. Donc cette année particulièrement, j'ai voulu que les trois jours ici avant le premier, que ce soit des jours de méditation individuelle où tu médites la parole de Dieu, tu médites sur ta vie et tu prends des décisions pour l'avenir. L'avenir appartient à ceux qui s'y préparent. Ne sois pas surpris. Je dis toujours, il y a succès lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Beaucoup de gens trouvent des opportunités mais n'ont pas été préparés. Et ils ratent. Ils disent non, Mungu ananisahau. Il dit Dieu m'a oublié. Ou ils commencent et ils échouent. Il dit non, Mungu asikuku yenami. Il dit Dieu ne te pas avec moi. Non, tu dois être préparé. Les jours où on cherche des gens qui connaissent l'anglais pour les engager dans un travail, tu es déjà prêt à l'anglais. On n'a pas mis na omba. Non, j'ai tellement prié. Mungu a changé. Ashita a changé. Tu dois te préparer maintenant. Donc c'est maintenant que nous devons nous préparer à des grandes choses avec le Seigneur. Toutes les personnes que Dieu a appelées ont eu un temps de préparation. D'abord individuel et après en groupe. Donc demain, prends le temps de te préparer, de méditer la parole de Dieu avec un bic et un cahier. Il faut un bic, un cahier. C'est important. On ne retient pas tout dans la tête. Écrit, ça va te permettre de bien avancer dans la vie. Voilà, ça c'est le programme de cette semaine. Néanmoins, mardi, nous avons notre rendez-vous pour assister les orphelins. Je bénis déjà le Seigneur pour les frères et sœurs qui donnent déjà leur contribution. Les évangélistes vont aller mardi dans les orphelinats pour amener riz, farine, sucre, pour que eux aussi se réjouissent et terminent l'année dans la joie. Donner de la joie à quelqu'un, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Mercredi à minuit, nous aurons prière. Moi, je serai ici dans l'église avec quelques personnes. Et chez vous à la maison, connectez-vous sur le lien source féconde. Nous allons prier ensemble pendant une heure, de 23h30 à minuit 30. Nous allons traverser ensemble et puis le premier nous retrouverons pour notre thème de l'année. Et nous allons souffler en semaine pour nous rencontrer le dimanche 4 lors d'un grand culte où nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, et dimanche après-midi nous avons une conférence des jeunes sœurs, des filles, à partir de 8 ans jusqu'au-delà. Et cette conférence, nous l'organisons en dehors de l'église. Donc nous avons loué la salle La Perle pour que la conférence soit ouverte à toutes les filles de l'église. Donc soyez là à temps pour ne pas manquer de place et vous plaindre après. Donc on commencera à 15h jusqu'à 17h30. Nous allons parler de la clé de succès dans la vie. Et en même temps, nous allons parler des choses qui concernent les jeunes sœurs. La clé, c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. La méditation de la parole. L'application de la parole et l'entrepreneuriat. Nous allons beaucoup insister sur l'entrepreneuriat et nous allons montrer des modèles comment il faut faire pour l'entrepreneuriat. Et nous allons même voir comment coacher celles qui peuvent faire certains stages pour l'entrepreneuriat. C'est comme ça que nous invitons toutes les jeunes sœurs. Dimanche le 4 à La Perle. Il y aura un buffet. Nous allons partager ensemble la nourriture. Il y aura des chants qui vont se passer. Et nous allons parler aussi de l'hygiène corporelle des filles. Filles, sœurs, femmes, si vous voulez. Donc voilà les points que nous allons développer. Dimanche le 4 l'après-midi. C'est notre travail en tant que père d'aider tout le monde. Et nous serons heureux si nous savons aussi aider nos sœurs. Parfois qui sont abandonnés. Parfois on n'a pas le temps de parler de certains points spécifiques à la chair à l'église. Parfois même tes parents n'ont pas le temps de te parler de certains points spécifiques qui concernent tes soins corporels, qui concernent l'entrepreneuriat, ce que tu peux faire. Alors nous voulons bénir tout le monde. Et c'est aussi un fardeau que Dieu nous a donné. Le ministère doit s'ouvrir à tout le monde. Et que tout le monde en soit béni. Donc voilà, je vous donne tout le programme parce qu'à la fin, on ne va pas revenir sur le programme. Pour donner assez le temps au pasteur de faire le travail. J'étais en train de me demander si je peux faire l'offrande maintenant. Comme ça, il a le temps de parler assez librement. N'est-ce pas? Grâce, c'est où? Grâce, ok. Tu peux prendre le clavier. Maman Gloria. Ok, on peut chanter quelque chose. Le premier, ça sera une chorale d'ensemble. C'est comme ça que j'ai demandé que les gens vous voient, ceux dont on a parlé, on va régler pour tout le monde. Pour le premier. Ok, nous donnons nos offrandes, comme ça l'orateur peut parler vraiment librement. Nous voulons prier. Pendant que tu donnes ton offrande, il y en a aussi qui ont décidé de bâtir les hôtels depuis vendredi. Vous déposez en même temps votre enveloppe. Vous écrivez seulement hôtel. Et nous allons prier pour ça. Que la main de Dieu soit sur vous. Ça va nous permettre de travailler assez librement. Que Dieu vous bénisse pendant que la chorale nous accompagne. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta fidélité. Je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh yeah, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, elles se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de tout le monde. Tu parlerais de la bonté, ma. La fidélité. Oui, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Grâce de Dieu. Recommande ton cœur au Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut mettre dans ton cœur. Cet après-midi. La parole de Dieu est puissante. Et la Bible dit que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance qui guérit, qui libère, qui affranchit, à cause du nom de Jésus. Oh Père, merci. Baba Accente. Merci ce soir. Accente di oni aller. Tu as élevé le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. En tout lieu. Et dans toutes les circonstances. Parce que Acte me dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Oh, ce soir, je proclame le nom de Jésus. Ce soir, j'élève le nom de Jésus. Ce soir, j'ai dit que Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne dans ces lieux. Jésus règne dans nos vies. Jésus règne. Règne encore. Et encore. Guéris les malades. Oui, Jésus. Jésus règne. Jésus règne encore. Oh, tu es merveilleux. Quand tu descends. présence du Seigneur. Oh merci Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous invitons le pasteur, l'apôtre Samuel. Église, est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Nom de Dieu. Alléluia. J'aimerais un peu vous déranger pour deux minutes. Est-ce que vous pouvez vous élever tous, qu'on soit debout tous? Pour deux minutes seulement, nous élevons nos mains. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être toi, tu n'as pas eu l'opportunité d'assister tout le 40 jours de Mulima 30. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là ce soir. Le Dieu de Papa Désiré veut te visiter ce soir. Élève tes deux mains, tu fermes tes yeux, tu es concentré. Crée une atmosphère parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te toucher. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Dieu tout-puissant, comme mon corps considère tout l'univers. Merci Jésus. Marabash. Le ciel d'azur. Marabash. Les éclairs, les tonnerres. Oh, éclairs ensemble. Les ombres du soir. De tout mon être, l'homme se lève un chant. Et Rabash. Tu es grand, et ravage de tout mon être. Alors se lève un chant, et ravage de tout puissant. Pensez à moi. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être, ta langue se lève et chante. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous acclamons très fort, Père, nous acclamons. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a permis que nous soyons au milieu de vous pendant cette semaine. Gloire et honneur soient rendus à lui. Je remercie grandement le révérend pasteur pour cette marque de confiance qu'il a envers moi. Ce n'est pas parce que je suis un bon prédicateur, non. C'est la grâce de Dieu seulement qui m'a connecté avec lui. Il est une famille. Je suis très reconnaissant envers lui, ainsi que pour sa femme, ainsi que pour toute l'église. Source féconde, c'est ma deuxième famille. Je suis très reconnaissant, pasteur. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous élève encore. Que Dieu bénisse votre famille. Vous savez, si quelqu'un te donne la chair pour parler, c'est comme s'il t'a fait entrer dans sa chambre à coucher. Merci pour cet honneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre pasteur? Que Dieu te bénisse aussi. Nous acclamons aussi pour les serviteurs de Dieu, les diacres, les anciens et tous ceux qui nous ont rendu service et aussi ceux qui nous prennent chaque fois à l'hôtel. Que Dieu les bénisse abondamment. Et je demande aussi pardon, peut-être en servant le Seigneur Dieu de cette chair, il y a quelqu'un que je vexais. Il peut me pardonner aussi, nous sommes à la fin de l'année. Amen. Amen. Nous voulons clôturer avec un message court sur l'onction et ses effets. Et nous allons faire une prière au moins de 15 minutes ensemble après cet enseignement. Et je sais que Dieu va nous visiter ensemble et il va nous bénir. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 10. Nous allons faire quand même une longue lecture. Nous allons lire 6 versets. Nous lisons 1 Samuel 10, verset 1 jusqu'au 6e verset. La Bible dit, est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Teslach. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu trouveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu iras à Gilboa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en une autre, en un autre homme. Amen. On peut se mettre. Saint-Esprit, merci pour cette soirée de grâce. Nous te remercions, Saint-Esprit. Nous t'aimons parce que toi, tu es notre aide. Enseigne avec nous ce soir. Glorifie le nom de Jésus en ce lieu et sois le seul maître à bord de ce culte. Touche ma vie et touche la vie de tout un chacun de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, Église. Nous avons, pendant Moulima 30, les éminents hommes de Dieu, ainsi que l'Église source féconde, le pasteur, le pasteur, ainsi que tous les serviteurs de Dieu, nous ont parlé pendant toute une année. Va avec cette force que tu as. Bon, moi je suis de la maison. Il y a des thèmes qu'on a donnés pendant plusieurs années dans cette église. Mais je vois que ce thème a été tellement exceptionnel. C'est un thème sur lequel si quelqu'un a une vision spirituelle, il verra qu'il y a l'insistance. Il y a quelque chose, Dieu a insisté. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, quand on va clôturer Moulima 30, il y a une interpellation à tout un chacun de nous. Ce n'est pas seulement l'église source féconde, même nous qui avons prêché, l'année qui commence, nous devons aller avec cette force que nous avons. Et vous savez, et cette connaissance que tu as acquise tout au long de cette année, et pendant Moulima 30, c'est aussi une force que Dieu t'a donnée pour aller avec ça. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons clôturer avec un thème qui est intitulé l'onction et ses effets. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Ce qui nous distingue dans la vie, ce qui nous distingue dans le talent, dans le ministère et dans les dons, et même dans la vie courante, ce n'est pas seulement ce que nous avons comme connaissance, ce n'est pas seulement ce que nous avons comme ministère et don, ce n'est pas seulement le savoir-faire que nous avons, mais ce qui distingue une personne à une autre, c'est la portion de l'onction qui est sur sa vie. Je vous vois, vous allez remarquer, il y a une chose. Une personne peut parler sur une chose et cette chose ne change pas. Mais une autre vient parler sur la même chose, mais cette chose change. Au moment où tous nous sommes des hommes, tous nous avons la bouche, tous nous avons la parole, nous tous nous sommes fils de Dieu. Maintenant, quelle est la différence qui nous, entre nous deux, ou entre ces deux personnes, celui qui a parlé et qui n'a pas d'effet, et celui qui a parlé et qui a des effets? Donc la chose qui nous distingue, c'est la portion de l'onction qui est sur tout un chacun de nous. C'est pourquoi il est important à tout enfant de Dieu d'avoir l'onction de Dieu sur sa vie. Écoute, l'onction de Dieu, elle est très importante dans tous les domaines de la vie. L'onction ne travaille pas seulement sur le ministère. Même pour avoir des richesses, pour avoir de grandes choses, il doit toujours y avoir l'onction sur ta vie. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, dans notre version anglaise, là, Deutéronome 8, verset 18, qui dit, c'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir toutes ces richesses. Mais dans une version anglaise, je ne sais pas, la version m'échappe un peu, où je lis, la Bible dit ceci, is the one who gives you power to get wealth. Donc il est celui qui te donne la puissance d'acquérir des richesses. Donc l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un peut même acquérir, attirer des richesses dans sa vie. Donc c'est pourquoi ce message, c'est un message de clôture qui interpelle à une sœur, qui interpelle à un frère, qui interpelle à un papa ou une maman de chercher l'onction de Dieu sur sa vie. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui m'étonnent dans ce monde. Il y a des très belles femmes que personne ne marie. Et il y a d'autres femmes qui ont des visages normaux, mais qui ont de beaux mariages. Parce que la portion de l'onction de la grâce qui est sur eux attire des choses dans leur vie. Je ne suis pas contre les maquillages, mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà du maquillage, que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Parce que l'onction fait des choses dans la vie de quelqu'un. En hébreu, l'onction veut dire quoi? En hébreu, l'onction veut dire masha. Masha qui veut dire oindre, consacrer et établir. Donc masha veut dire, il y a la différence entre masha et Amashia. Amashia veut dire Messie, veut dire le oint. Mais l'onction veut dire masha, veut dire oindre, et veut dire consacrer, et aussi établir. Mais en grec on dit cryo, comme Christ, cryo, qui veut dire investir du pouvoir. Bon, ça veut dire quand on te oint, on t'investit dans le pouvoir. Donc tu deviens une autre personne. Tu n'es plus une personne ordinaire. Donc l'onction dans la vie de quelqu'un, ça change sa position. L'homme devient extraordinaire parce qu'il est investi du pouvoir qui vient de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre le pouvoir de ce monde et il y a aussi entre le pouvoir de ce monde et le pouvoir qui vient de Dieu. Parce que le pouvoir de ce monde, c'est un pouvoir qui est limité. Mais le pouvoir qui vient de Dieu, c'est un pouvoir qui opère dans le spirituel et dans le charnel. Laisse-moi te dire, l'Église a le pouvoir d'appeler un frère de l'amener ici et dire par le pouvoir qui nous a été donné, tu seras un ministre dans ce pays. Et je vous dis la vérité, même si les jours passent, cet homme finira par être. Laisse-moi vous donner un témoignage. Dans mon église, j'ai une maman qui s'appelle Béatrice. Elle a été, son mari l'a abandonnée avec deux enfants. Le premier, c'est une fille qui s'appelle Sarah. Le deuxième, ça, il s'appelle David. Cette maman a passé des moments difficiles. Mais les petits commençaient à jouer au foot. Sa maman les tabassait sérieusement. Toi, tu vas te casser la jambe. Toi, tu vas me créer des problèmes. Elle est venue me donner les rapports. Moi, je dis, amenez. J'ai appelé le petit David. J'ai dit, du haut de cette chair, cet enfant ne perdra ni sa jambe, mais il sera un grand footballeur. Mais au moment où je vous dis ce petit, il est dans une équipe junior. Il devient un bon gardien et on commence à payer à ce petit un salaire. Et son équipe de football commence à lui payer un salaire et les études. Donc le pouvoir que nous avons peut agir au-delà de nos pensées. Quand tu es loin, tu as la capacité d'opérer dans des dimensions qui va étonner le monde. Crio veut dire être investi du pouvoir. Et il y a trois types d'onction dans la Bible. Il y a ce que nous appelons l'onction royal. C'est ce qu'on a oint le roi Saül. Il a eu l'onction royale. Et cette onction royale travaille dans la vie des enfants de Dieu. C'est une onction qui t'aide à gouverner, à dominer. Alléluia. Amen. C'est une onction qui t'aide à gouverner, à dominer et à régner même sur tes ennemis. Donc dans le royaume, dans le monde spirituel, toi tu es un roi. Et au-dessus de ta tête, il y a une onction royale. Et cette onction royale, c'est une onction qui avait commencé depuis le jardin d'Adam. Dieu après avoir créé l'homme, il lui a dit de dominer, d'assujettir. Mais quand l'homme avait péché, cette onction était partie. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit ceci: voici, tout le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Oh, je pars un peu quelque part. Et Jésus dit ceci: tel que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si le Père m'a envoyé pour exercer ce pouvoir, vous aussi, vous avez été envoyé de la même manière que Dieu m'a envoyé. Oh, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si une société t'envoie en mission, il va te donner les frais de fonctionnement. Tu seras pris en charge par la société. C'est comme ça qu'avec Jésus, Jésus était pris en charge par son Père. Et maintenant, lui aussi nous envoie. De la même manière qu'il a été pris en charge, c'est de la même manière que nous sommes pris en charge. C'est pourquoi tu n'as pas peur d'aller dans la mission. Parce que tu n'iras pas seul. Dieu dit ceci à Gédéon: je serai avec toi et tu battras maintenant comme une seule personne. Je viens dire à quelqu'un ce soir: il y a un pouvoir, il y a l'onction royale sur ta vie. C'est l'onction de régner, c'est l'onction de dominer. Et l'onction sacerdotale, c'est quoi? C'est l'onction qui te fait entrer dans la présence de Dieu, qui t'autorise à être dans le service de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes au service de Dieu. Et cette onction nous donne la permission de servir avec Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien n'est impossible avec Dieu. Donc cette onction royale, ce n'est pas seulement pour Papa Désiré, c'est pour toute l'église source féconde. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Parce qu'au ciel, on ira pour être aussi payé de ce que nous avons fait sur cette terre. Dans les sacerdoces, il n'y a pas seulement des pasteurs, il n'y a pas seulement des apôtres. Nous tous, nous sommes au service de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand papa va prier pour les gens, les quatre, et si tu sens que tu as l'appel de Dieu, tu sens servir Dieu, lève-toi ce jour-là, parce qu'une onction va t'accompagner. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, quand nous avons commencé à servir Dieu, on ne savait pas que il y a des paralytiques qui vont marcher. Il y a des gens qui seront délivrés. On était des hommes simples, des frères à l'église. On dormait sur les banquettes. Mais sur le jour qu'on est entré dans les sacerdoces, nous avons vu une onction nous accompagner. Bien-aimé, il y a l'onction qui va t'accompagner dans ta vie. Et cette onction va changer ta vie. Cette onction va manifester la présence de Dieu dans ta vie. Une présence tangible. Et la dernière onction, c'est ce que nous appelons l'onction prophétique. Cette onction prophétique ne parle pas seulement de prophétiser. C'est une onction qui te pousse à parler. Parce qu'un prophète, c'est une bouche de Dieu. Donc tu dois commencer à prophétiser. C'est ce jour-là, Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements. Quand il est descendu là-bas, il est descendu avec l'onction prophétique. Il n'a pas dit je vois des sorciers. Il a parlé sur les ossements de Jésus. Dans ta bouche, il y a une onction qui te pousse à parler. Et quand tu parles, les choses changent. Il y a des choses dans la vie qu'on ne doit plus encore demander à Dieu. Ce sont des choses qu'on doit parler avec. Parce que ce sont des choses qui nous ont déjà été données. Que Dieu verse une onction prophétique sur ta vie. Que Dieu change ton parler. Ne parle pas des choses négatives. Parle des choses qui sont positives. C'est une onction qui demande la foi. C'est une onction que tu dis à la montagne de se déplacer. Et elle se déplace. Et si nous reconnaissons l'onction prophétique dans cette église, a besoin que Papa Désiré puisse crier. Il va seulement dire que vous êtes guéri. Et si tu crois, tu es guéri. J'aime le centenier. Il a dit à Jésus, il n'y a pas question que tu puisses aller chez moi. Tu es un prophète. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, quand il a dit, son serviteur a été guéri. Ayons cette dimension prophétique. Soyons des fils qui sont prophétiques. Vous savez, il y a des fils qui peuvent même augmenter la foi de leur pasteur. Et il y a des fils qui peuvent même détruire la foi de leur pasteur. Vous priez pour lui. Vous l'appelez après 2 heures. Il te dit, papa, quand seulement tu as prié pour moi, Njobili Arabika, ça veut dire, moi, je suis un démon, je suis venu détruire ta vie. Papa Njobili, quoi, mais bah, au moins, t'as pas le quoi, où il y a couille. Mais il y a des enfants de Dieu qui te disent que papa, tout va bien. Même si j'aimais cette femme, quand il a vu le prophète Élisée, elle a dit tout va bien. Tu es prophétique. commence à parler des choses qui sont positives. Amen, amen. Même si tu as des problèmes, dis que tout va bien. Même la Bible dit que celui qui est faible, qu'il dise qu'il est fort. Celui qui est pauvre, qu'il dise que je suis riche. Celui qui n'est pas marié, qu'il dise que je suis. Alors tu ne peux pas dire à celui qui veut te marier, tu peux dire dans ta chambre, je suis marié. Quand tu le dis, ça va s'accomplir. C'est la foi. Quand tu n'as pas le travail, dites que je suis engagé. Et tu te lèves le matin, tu commences à te lever à 5 heures. Tu te laves. Tu es bien préparé. Tu portes ta chemise, ta cravate. Et après, tu vas enlever. Je parle aux gens qui ont la foi. Amen, amen. Amen, amen. La foi, c'est la folie. Hein? Des hommes sérieux, logiques, n'auront pas de grandes choses. La foi, c'est être un fou devant les hommes qui ont les logiques. Alléluia, Église. Amen. L'onction n'est pas seulement un rituel religieux. L'onction, c'est une présence active dans la vie de Dieu, active dans la vie de l'homme. L'onction, c'est la présence de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et quand on parle de l'onction, on parle de l'huile. Parce que l'onction veut dire oindre. Oindre veut dire quoi? Verser de l'huile sur un objet ou sur une personne. Comme la Bible dit, Dieu dit à Samuel de prendre une fiole d'huile et de les verser sur de Saül. Or que cette onction qu'il parlait, il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit comme un liquide. Parce que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était représenté par l'huile. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 20 avant de parler sur les effets de l'onction. 1 Jean, chapitre 2. Chapitre 2. Mon message est court. Soyez attachés. Je suis déjà de partir. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous ayez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est Dieu. Il nous a donné son esprit qui est l'onction qui est sur nous. Et vous avez tous de la connaissance. Dans d'autres versions, on dit que l'huile que vous avez reçue vous enseigne déjà. Écoute, Église de Dieu, on parle souvent de l'onction. L'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. L'onction, c'est la manifestation de la présence active de Dieu dans la vie de l'homme. Maintenant, pour que cette onction puisse être opérationnelle, avant que j'entre dans les effets de l'onction, pour que cette onction puisse être opérationnelle. Parce que l'onction de Dieu te donne toutes choses. Alléluia. L'onction de Dieu ne te donne pas seulement le temps, ne te donne pas seulement la force de chasser les démons, ne te donne pas seulement la force de prier pour les malades, mais l'onction de Dieu peut te donner même l'argent. L'onction de Dieu peut te donner même le travail. L'onction de Dieu peut te donner même le mariage. L'onction de Dieu peut te faire même voyager. Laisse que la Bible puisse nous confirmer. La Bible nous le confirme dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Pierre, en 3. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça, c'est la première chose. Donc, sa divine puissance, l'onction de Dieu, nous donne tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Alléluia. Amen. Toi-même, tu as la question. Tu as la réponse à cette question. Les mariages contribuent à la vie. Les enfants contribuent à la vie. Le travail contribue à la vie. L'argent contribue à la vie. Une maison contribue à la vie. Et il passe à la deuxième dimension et à la piété. Donc l'onction ne s'arrête pas seulement sur ta vie charnelle. Elle te donne tout ce qui contribue aussi à ta piété. Et donc c'est une force qui t'aide à marcher dans la sainteté, qui t'aide à vivre dans la crainte de Dieu. Et il dit ceci, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Donc le premier élément déclencheur de l'onction de Dieu, c'est la connaissance de Dieu en vous. C'est lui qui n'a pas la connaissance de Dieu. C'est lui qui n'a pas la connaissance de Dieu. Il n'agira pas dans la puissance. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ce qui te donne la force d'agir, ce qui te donne la force de marcher avec quelque chose, c'est la connaissance que tu as. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la sœur qui est là, qui a la caméra. Elle travaille. C'est parce qu'elle a la connaissance de la chose. Mais si moi on me donne cette histoire-là, ça va me compliquer. Je vais suer. Ce n'est pas que je ne suis pas intelligent. Je suis intelligent. Mais en cette matière, je n'ai pas la connaissance. Donc c'est pourquoi l'onction de Dieu commence à se déployer et à opérer en toi avec la portion de la connaissance que tu as envers Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Donc c'est là, celui qui connaît que Dieu est avec moi, il est prêt à faire toutes choses parce qu'il connaît que Dieu est avec lui. Et c'est Dieu qui a déposé l'onction sur ta tête. J'ai beaucoup aimé la personne d'Élie. Élie a dit quoi? Allons construisons des hôtels. Vous appelez votre Dieu et moi je vais appeler mon Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Et regarde ce qui m'a beaucoup étonné, le niveau de sa connaissance envers son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés opérer. Quand ils ont opéré, leur Dieu n'a pas agi. Maintenant, il dit ceci, il faut creuser un peu le tout autour de cet hôtel et verser de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'ennemi du feu. Ce qui éteint le feu, c'est l'eau. Et dans l'eau, il est possible que le feu puisse s'allumer. Mais tellement qu'il a la connaissance de Dieu, il a dit verser de l'eau. Voyons si le feu ne peut pas s'allumer. La Bible dit le feu est descendu. Le feu a brûlé toutes choses. Écoutez, cette année qui commence, entrez dans la profondeur de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, c'est ce que papa désire a dit. Méditez la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique. Écoutez, tu peux avoir l'onction de faire des miracles, mais par manque de connaissance, tu as des doutes avec ce Dieu qui t'a appelé. Mais si tu connais celui que tu as appelé, tu ne crains rien, tu es sûr de toi-même, parce que Dieu est avec toi. Ce soir, que l'onction puisse se déclencher dans ta vie, même dans tes affaires, qu'il y ait l'onction qui se déclenche. Écoutez, toi, tu ne feras pas les affaires avec les fétiches. Mais toi, tu iras avec l'onction qui est sur ta tête. Va avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu sur ta vie a des effets tangibles. Mais la chose qui te manque, c'est la connaissance de Dieu. Le niveau de ta connaissance est égal au niveau de la manifestation. Si tu as une petite connaissance, tu verras de petites manifestations. C'est pourquoi ce soir, je viens t'interpeller que tout ce que tu as reçu comme connaissance, que cela déclenche l'onction dans ta vie. La deuxième chose qui déclenche l'onction, c'est une vie de prière intense. Éviter les distractions inutiles. Récupérer le temps. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Parce que la Bible déclare, lorsque les disciples était dans la chambre haute, la chambre haute est un déclencheur de l'onction. Est une déclencheuse de l'onction. Parce que c'est lui qui s'adonne à la prière. Il ne restera pas toujours la même personne. Il y a l'onction qui va couler sur sa vie. Sois une femme de prière. Laisse-moi te dire ceci. Je ne te dis pas de prier toute la journée. Mais ayez un programme spécial. Un programme qui est permanent. Si c'est une heure par jour, que cela ne se coupe pas. Parce qu'il y a des gens qui ont changé des choses avec une heure de prière. Il y a des gens qui ont opéré des dimensions élevées avec deux heures de prière. Sois une femme de prière. Mets les choses en ordre. Ta vie changera. Ta vie changera. Tu passes 3 heures, 2 heures, 1h30 sur les réseaux sociaux. Je ne te dis pas de ne pas y aller. Tu peux y aller pour les informations. Mais cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu dans la prière. Entre dans la chambre haute. Tous ceux qui se sont cachés, Dieu a déclenché l'onction dans leur vie. L'année qui commence, change ta manière de marcher. Change le système de vie. Et Dieu fera de grandes choses. Je te donne seulement 2 clés. La connaissance de Dieu et la vie de prière. Parce que celui qui connaît Dieu, il va marcher dans la sainteté. Celui qui connaît Dieu, il va s'abstenir du péché. Et celui qui connaît Dieu, il va chercher sa face. Et maintenant, quelle la Bible nous parle sur la vie de Saül? J'aimerais aller atterrir avec les effets de l'onction. La vie, la Bible nous parle de Saül. Saül était de la tribu de Benjamin. Il était fils d'un homme qui s'appelait Kis. Et Kis avait ce moyen. Et il avait un fils qui s'appelait Saül. Saül était un enfant privilégié. Était un enfant qui était dans une zone de confort. Un enfant qui ne sortait pas. Mais la Bible dit un jour, les ânesses de son père s'étaient perdues. Il fallait que ce jour-là, que la zone de confort soit brisée. Alors, si je rentre dans la révélation, Saül, c'est l'image de Christ. Parce que quand vous regardez la vision de Jean sur Jean, quand il a vu sur l'autel dans Apocalypse 4, il a dit qu'il a vu sur le trône, il y avait une pierre. Et cette pierre avait deux pierres, une pierre qui a deux pierres. Il y avait la première pierre, c'était le sardoine. Et l'autre pierre, c'était, c'était quelle pierre? Si, c'est saphir. Donc c'était la première pierre, le premier fils et le dernier fils. Donc Benjamin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Benjamin, c'est Jésus-Christ. Parce qu'à sa naissance, sa mère lui a donné deux noms. Il a eu deux noms. C'est le seul enfant qui a eu deux noms. On lui a donné le nom de Benonim, qui veut dire la souffrance, fils de la souffrance. Et son père dit, toi, tu seras appelé Benjamin, le fils de ma droite. Donc c'est un fils qui a, donc il s'est non prophétisé les deux étapes de Jésus-Christ, la souffrance et la mort sur la croix. Après cette souffrance, il va aller s'asseoir à la droite de son père. Maintenant, Saül, il est de la tribu de Benjamin. Saül ne sortait pas dans la maison de son père. Mais c'est le jour que les années sont parties que Saül devait maintenant sortir pour aller chercher les années. Oh, j'arrive à comprendre. Il fallait que nous soyons perdus. Parce que les ânes, ce sont les animaux sauvages. Ce sont des animaux impurs. Il fallait qu'on se perde pour que Jésus quitte la maison de son père pour venir nous chercher afin de nous ramener à la maison du père. C'est lorsque nous serons retrouvés, c'est là qu'il sera couronné le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Maintenant je descends. Quand il est parti, il a vu Samuel. Après avoir vu Samuel, Samuel lui a dit, les ânes sont déjà retrouvés. Laisse le problème des ânes. Dieu t'a choisi pour être le roi d'Israël. Maintenant, il a pris une fiole d'huile. Suivez-moi très bien. Il a versé sur la tête. Il a versé sur la tête de Saül. Maintenant, après avoir versé l'onction, après avoir oint Saül, cette onction qui est descendue sur sa tête a déclenché des choses. La première des choses, il dit que quand tu sortiras ici, après cette onction, tu vas croiser la première personne que tu vas croiser. Ils te diront ceci, les ânes de ton père sont déjà retrouvés. J'attends quelque chose. Donc cela veut dire, la première des choses, il lui dit ceci, Dieu ne t'a-t-il pas oint pour être chef de son héritage? Donc l'onction de Dieu sur la vie de l'homme ne le laisse pas dans la même position. Quand l'onction descend sur ta vie, la position change, l'identité change. Il est sorti dans la maison de son père en tant que fils de Kis. Mais lorsqu'il rentrait, il était devenu le premier roi d'Israël. Oh, que l'onction de Dieu, que le Dieu de papa désiré puisse verser l'onction sur la vie de quelqu'un ce soir. Et cette onction va changer ton identité. Écoute bien aimé dans le Seigneur, l'onction t'établit. Même là où tu n'étais pas programmé, l'onction va t'établir. Parce que selon la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants, la royauté n'était pas en Benjamin. La royauté était en Juda. Mais qu'est-ce qui fait à ce que l'homme de Saül, qui est benjamite, il devient roi en Israël? C'est à cause de cette onction qui est descendue sur ta vie. Écoutez, peut-être dans votre famille, il y a une loi établie. Une loi dans laquelle on dit dans cette famille, une loi dans laquelle on dit dans cette famille, il n'y aura pas de riches, il n'y aura pas de femmes mariées, il n'y aura pas de gens qui vont étudier. Ce sont des lois établies. Mais moi je viens te dire, avec la portion de l'onction qui va descendre sur toi, cette onction va changer ta position. Oh, cette onction peut venir accomplir ce que Jésus a dit. Les derniers seront les premiers. Ah, si j'entre dans la famille de David, il était le cadet. Il était le dernier. Il était le huitième. Mais quand l'onction est descendue, il était le dernier. Or que l'héritage d'une famille est réservé au premier-né. Mais l'onction est venue changer l'ordre. Oui, je vois l'ordre être changé dans une famille, Marabash. Il y a une onction qui va changer l'ordre. Ceux qui étaient les derniers, ils seront les premiers. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tout le monde savait que tu étais le dernier. Tout le monde savait que tu es quelqu'un qui va échouer la vie. Mais l'onction de Dieu va te récupérer de l'échec à héros. Écoutez, ne blague pas avec l'onction. Dieu dit ceci à David. N'est-ce pas moi qui t'a pris derrière les bêtes, derrière les animaux, pour faire de toi un roi? Qui peut aller prendre un éleveur de moutons dans ce monde ici? Qui peut aller prendre un éleveur de vaches et faire de lui un roi? Mais Dieu dit à David, je t'ai pris derrière les bêtes pour faire de toi un roi. Écoutez, Dieu va te ramasser de la honte, de l'échec, du rejet. Et il va te mettre quelque part. Ta position va changer. Ta position changera. Écoutez, que Dieu te donne l'onction d'être chef, Marabash. Écoutez, tu seras un chef. Tu seras un chef. Qu'ils le veulent ou pas, tu seras leur chef, Marabash. Qu'ils le veulent ou pas, ta position changera. Malgré la loi, tu vas régner. Malgré le niveau d'études, tu vas quitter de quelque part et tu seras à la tête. Tu seras chef. Je déclare, tu seras chef. Il y a une onction de chef qui m'aide. Tu seras chef. Écoutez, même, écoutez, l'onction s'impose. Même si les gens refusent, ils ont oint David. Ils l'ont mis à Hébron. Mais à Hébron, il a dit non, non, ce n'est pas encore ici. Moi, c'est Jérusalem, Marabash. Malgré les oppositions, malgré les blocages, cette onction ne s'arrêtera jamais là où on t'a mis. Tu iras quelque part. Parce que l'onction coule. L'onction ne s'arrête pas. Ta position va aller de l'avant. Je parle à un héros. Je parle à un chef. Tu iras à la tête. Tu ne resteras pas à la queue. Dans cette entreprise-là, Baloke, Bachiloke, toi, tu vas percer. Que ça tarde, mais l'onction va te mettre là où tu dois être. Écoutez, une personne qui a l'onction, il est incontournable. Il est incontournable. Ils ont, eh oh, Joseph dit ceci, cherchez quelqu'un, mais il dit que où irons-nous, où trouverons-nous un homme qui a l'onction comme toi? L'onction change de position. Dieu dit, Dieu ne t'a-t-il pas moins pour être chef de son héritage? Vous savez, quand tu as l'onction, même ce qui appartenait à Dieu devient à toi, Marabash. Il dit que ne t'a-t-il pas moins pour être chef à l'héritage de Dieu? Donc l'onction te donne même les choses de Dieu. L'onction te pousse à agir dans les affaires de Dieu, Marabash. Écoutez, je vais dire ceci. Avec l'onction, même ce que tu n'as pas mérité, tu y en auras, Marabash. Avec l'onction, même ce qui ne t'appartenait pas, tu y en auras. Laisse-moi te scandaliser. Tu peux faire la médecine, mais tu deviens chef à la Sonas. Et toi-même, tu te retrouves le médecin, mais chef. Parce qu'il y a une onction sur ta vie. Est-ce que je parle aux gens qui connaissent l'impact de l'onction? Il a fait d'un berger le roi d'Israël. Il y a quelle connexion là-bas? Quelqu'un qui a l'odeur de bête, il devient chef de l'héritage de Dieu. Donc l'onction t'établit, l'onction te force, l'onction force une percée, l'onction force une percée, l'onction te présente. Dites à ton voisin, mais t'es inguia. Bakatale, basikatale, je serai là-bas. Qu'il ne refuse ou pas, je serai là-bas. Écoutez. Écoutez. Il y a des gens qui ont bloqué la porte de Jérusalem pour que David reste à Hébron. Mais l'onction qui était sur lui, l'onction a refusé Hébron. Écoutez. Il y a des niveaux où tu vois que Dieu t'a encore béni. Non, il ne t'a pas encore béni. Il y a quelque part où tu dois aller. Et ce qui va te pousser là-bas, c'est l'onction de Dieu. Écoutez, ce contrat que tu as eu, ce n'est pas encore quelque chose. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. C'est l'onction qui va t'amener là-bas. Aïe, aïe. Dites à ton voisin, ma position va changer. Je vais quitter de la queue à la tête. Deuxième effet de l'onction. L'onction récupère les choses perdues. Il dit, quand tu sortiras ici, on va te dire, les ânes ont été retrouvés. On n'a pas retrouvé avant l'onction. On a retrouvé après l'onction. Il y a des choses que tu as perdues, mais après cette prière, ça va rentrer. Il y a une onction de récupération. Marabash. Une maman dit à Élisée, le créancier vient déjà récupérer mes enfants. Mes enfants vont partir. Je n'ai rien. On lui pose la question, tu as quoi? Il dit une petite bouteille d'huile. Ne néglige pas cette petite onction qui est sur toi. Cette onction-là peut récupérer les choses. Cette onction-là peut récupérer les années que tu as perdues. Cette onction-là peut récupérer les hommes qui t'a perdu. Écoutez, peut-être les fiancés t'ont rejeté. Avec cette onction-là, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ma fouta. Il t'a récupéré. Va récupérer. Crois seulement, ça va venir. La santé que tu as perdue va revenir. Marabash. La faveur que tu as perdue va encore retourner. Marabash. L'argent que tu as perdu va encore retourner. Les amis que tu as perdus, ils viendront te chercher parce qu'il y a une onction qui récupère les choses. Et la troisième chose, il dit, tu vas encore rencontrer un groupe de gens. Ces gens-là, quand ils te verront, ils te donneront de pain. Il y a des gens dans leur vie, ils ne reçoivent rien. Même le jour où on va avoir des cadeaux, mais il va se remarquer, lui, on ne lui donne rien. Il y a des gens qu'on ne donne rien dans leur vie. Ils se posent des questions. J'ai quel problème? Tu manques l'onction. Maman, dans ton mariage là, cherche l'onction. Ne cherche pas seulement le maquillage. Hein. Cherche l'onction. Parce que tu manques l'onction. C'est pourquoi tu passes aux enfants. Dites à votre père, le foufou n'est pas là. Mais avec l'onction, pas avec les perruques. Hein? Il y a des gens qui ont des perruques plus que ce que tu as là. Pas avec ta beauté. Il y a des gens qui ont des beautés comme des poissons. Mais c'est l'onction qui va te distinguer. C'est l'onction qui va dire à papa, maman, reçois d'abord quelque chose. Je viens dire à quelqu'un, hein? La saison là où tu passais sans recevoir quelque chose, on va commencer à t'appeler. On t'envoie l'argent. On va commencer à t'appeler. On te donne les choses. Parce que l'onction va leur toucher. Ils te donneront les choses. Et si tu crois ça, tu dis amen trois fois. Amen, amen. Reçois cette onction. La quatrième chose pour terminer, l'onction te donne des connexions supérieures. Il y a un temps qu'on disait quoi? Vodacom, on disait Vodacom. Leader dans le monde. Il y avait ça, connexion supérieure. S'il y a autre qu'on appelait Supercell, connexion supérieure. Écoutez, l'onction te donne des connexions. Hein? Les connexions qui viennent avec l'onction. Aïna ma connexion à Bouéléwélé. Ce sont des connexions qui changent ton identité. Écoutez, quand Saïl a rencontré ces gens-là, la Bible dit quoi? Il a commencé à prophétiser comme eux. Cela veut dire, il y a des connexions. Tu n'avais rien. Tu te rencontres avec ces gens-là. L'argent commence à couler. Ma. Écoutez. Il y a des gens que tu vas te donner à partir de l'onction que tu as. Pendant ma connexion, critiquer. Mais tu auras de l'onction ou toi aussi. Tu auras le même identité. Marabash. Et la Bible dit ceci. Dans le verset 11, on dit. La Bible dit, les gens se sont dit, oh, Saül, lui aussi, il est parmi les prophètes. Écoutez, il y a une connexion qui va venir, où on dira, lui aussi, il est parmi les directeurs. Marabash. Il y a l'onction qui vient, une connexion qui viendra. Où on dira, lui aussi, il est parmi les riches, Marabash. Il y a des connexions qui viendront. Où on dira, lui aussi, il opère dans la puissance, Marabash. Il y a des connexions qui viendront. On dira aussi, lui aussi voyage en Chine, Marabash. Ça viendra. Ça viendra. Dites à ton voisin, cherche l'onction. Il y a des temps, onction. Il n'a dit fungria qu'à manger. Ça ouvre le chemin de elle-même. L'onction sélectionne les amis. Et les démons de la famille sélectionnent aussi des amis. Écoutez, il y a des amis que tu as eu à cause des démons de la famille. Mais ce soir, ça ne sera plus les démons qui vont sélectionner, mais c'est l'onction qui va sélectionner. Et si tu crois, tu dis amen trois fois. Amen, amen, amen. Ma soeur, l'onction va te sélectionner. Un monsieur. Écoutez, ce monsieur-là, peut-être ne sera pas beau au visage, mais il sera une provision. Il sera une provision de Dieu. Ah, ça c'est la. Écoutez, la sélection de Dieu peut-être ne peut pas avoir les critères de ce monde, mais ça déclenche de grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que dans l'année qui commence, il y aura des connexions? À que cette connexion commence avec papa jusqu'à vous. Ah. Alléluia. La Bible dit, quand tu quitteras ici, tu vas rencontrer des gens. Tu vas commencer à prophétiser comme eux. Et après avoir prophétisé, les gens diront, lui aussi. N'est-ce pas, c'est le fils de Kis. Le fils, il est de notre quartier. Ni quoi, mon quartier, non? Je suis de votre quartier. Mais je suis encore dans ma connexion. Écoutez, je vais dire, ce n'est pas un problème. J'étais le dernier de la classe. Mais l'onction sur ma tête m'a donné une autre connexion. Les effets de l'onction. Les effets de l'onction. Les connexions de l'onction ne sont jamais inférieurs. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit supérieur. Quand il verse de l'onction, toi aussi, tu deviens supérieur. Écoutez, l'onction qui était sur Joseph, même quand on l'a vendu, hein? je termine par ici, je parle ici, je termine. L'onction qui était sur Joseph, parce qu'il avait de l'huile, il avait l'Esprit de Dieu. Quand on l'envoie au marché, il n'est pas acheté par quelqu'un de, du village. Hein? Il est acheté par le chef de JR, Marabash. Écoutez, il y a la différence entre un domestique de l'apôtre Samuel et le domestique du général de l'armée, Marabash. Le domestique du chef d'état-major, c'est un domestique protégé par la garde présidentielle. L'onction, même dans le marché des esclaves, l'onction cherche des connexions, Marabash. Il arrive en prison, il est prisonnier. L'onction fait de lui chef. Et cette onction-là n'a pas choisi le panetier, parce que le panetier va mourir. L'onction a choisi les chansons, parce que les chansons, ils coopèrent avec le président. Marabash, Marabash. Écoutez, que Dieu te donne une onction. Oh, une onction avec une connexion, avec des gens qui coopèrent avec des grands. Et si tu crois, dis amen trois fois. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons seulement 15 minutes de prière. Moi, je vais conduire. Et à la fin, papa viendra bénir toute l'assemblée. Parce que c'est lui le père de cette église. Alléluia. Lèvons-nous tous. Et par amour, tenez celui qui est à côté de toi, à gauche et à droite. Celui qui est assis, qu'il se lève. Maman Gloria, là, tu vas lancer ce qui te vient dans le cœur. Ferme tes yeux, nous avons 15 minutes. 10 minutes de prière et papa viendra terminer. Là, tu vas seulement dire à Dieu, verse l'onction sur ma vie. L'onction qui va me permettre de traverser et de conquérir l'année 2026. Soyez concentrés. Ferme tes yeux. Ayez la soif de recevoir quelque chose. Dans tes affaires, tu as besoin de l'onction. Au service, tu as besoin de l'onction. Dans ma vie, esprit. Chante en haute voix, Rabash. Esprit de Dieu règne ici. Il n'a pas sandé de vos chayababes. Dans ma vie, esprit. Ma vie, esprit. Oui, hey, Jésus. Oui, esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Regne, regne, regne, dans ma vie. Montez. Montez dans la prière. Que l'onction change ta position. Que l'onction change ta position. Que l'onction récupère ce que tu as perdu. Les dons, les amis, le travail, l'argent, le mariage, rabâche. Que l'onction attire des choses. Jésus était le roi de Dieu. Les gens lui amenaient l'or. Que ces gens t'amènent de grandes choses. Laissez celui qui est à côté de toi. Je vois il y a un baptême de l'esprit. Karamash. Il y a l'onction qui descend. Mets tes deux mains sur ta tête. Frère, ouvre ton cœur. Ayez la soif de recevoir. Dieu veut te distinguer des autres. Dites Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Verse l'onction sur ma tête. Verse l'onction sur ma tête. David a dit oui. L'Éternel a préparé pour moi une table en face de mes adversaires. Il oint l'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, l'onction sur la tête de David a provoqué le débordement de sa coupe. Où il y a quelque chose qui va se passer. Il y a l'onction qui va se déverser sur la vie de quelqu'un. Oui, en ce moment que je parle. Il y a une bouteille d'huile sur la tête de quelqu'un. Et c'est une femme que Dieu veut verser de l'huile sur sa vie. Et ça sera très fort. Ça change sa vie. Et quand ça va se déverser sur elle, les autres seront connectés. Ravage. Oui, il y a l'onction qui passe. Beaucoup de gens auront l'onction ce soir. Il y a des frères qui seront saisis. Il y a des mamans qui seront saisies. Il y a des papas qui seront saisis. Dieu change leur identité. Dieu change leur position. Il faut aller avec cette force. Oui, il y a une dame que Dieu veut toucher. Il y a une dame que Dieu veut verser l'onction sur ta tête. Soyez concentrés. Pour les 5 minutes qui restent, soyez concentrés. Oui, il y a un baptême, je sens le feu dans la salle. Oui, je sens il y a un feu qui s'allume. Marabash. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Saint-Esprit, merci parce que tu visites mon frère. Tu visites cette église. Tu conclues avec nous dans une onction forte, Rabash. Nous allons tous crier Saint-Esprit derrière moi. Quand tu cries Saint-Esprit et la foi, il y a quelque chose qui va se passer sur ta vie. Tu dis Saint-Esprit, ouais-moi. Saint-Esprit, ouais-moi. Encore une fois, Saint-Esprit, ouais-moi. Saint-Esprit, ouais-moi. Une fois encore. Montez encore. Montez encore. Montez encore! Alors la dernière fois, il y a quelqu'un qui va recevoir. Dites Saint-Esprit, ouais-moi! Dites oui, je reçois! Oui, je reçois! Au nom de... Oui, il y a l'Esprit de Dieu qui passe. Je disais, il y a des frères qui vont recevoir. Je disais, il y a des mamans qui vont recevoir. Une onction particulière. Oui, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, n'éteignez pas. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Parce que je vois des flammes de feu sur les têtes des gens dans la salle. Et au moment où je parle, le feu commence à s'allumer. Je dis 1, 2, 3, ça va chauffer dans la vie de quelqu'un. Je dis 1, tu reçois. Je dis 2, tu reçois. Je dis 3, reçois, ravage. Oui, oui, oui, ça commence à descendre sur la vie des gens. Oui, il y a des frères qui reçoivent. Il y a des frères qui reçoivent. Il y a des mamans qui reçoivent. Oui. Avant que j'appelle papa, soyez concentrés. Soyez concentrés. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut encore verser de l'huile sur leur tête, rabâche. Je sens les gens qui parlent dans une nouvelle langue. Tu dis seulement Alléluia. Il y a des gens que Dieu fait baptiser de nouvelles langues. Dites Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il y a l'onction prophétique qui touche quelqu'un. Et cette personne ne supportera pas cette onction. La personne va commencer à sauter. Que cette onction prophétique, que cela tombe sur la vie de quelqu'un. Renata Jesse. Oui, je compte jusqu'à trois avant que je descende. Cette onction prophétique va toucher la vie de quelqu'un. Oui, il ne supportera pas cette onction. Il y a des gens qui sont distraits, soyez connectés. Même dans la chorale, cette onction prophétique va toucher la vie de quelqu'un. Je dis un, soyez touchés par l'onction prophétique. Je dis deux, soyez touchés par cette onction prophétique. J'ai dit trois, que cette onction prophétique descende. Package. Oui. Oui, aidez-la. Oui. Oui, même dans cette chorale, que l'onction prophétique descende. J'ai dit un jusqu'à trois. Oui, il y a trois sœurs que Dieu veut toucher. Il y a trois sœurs que Dieu veut toucher dans la chorale. Un, deux, trois. Que cette onction les visite. Takits. Recevez cette onction. Élève ta main droite, tu fais comme ça, ta main droite. Commence à bouger très fort ta main. Je sens qu'il y a une onction royale. Il y a des gens qui vont dominer, qui auront la promotion, qui vont faire des affaires à un niveau élevé. Bougez encore, la main droite, tu bouges. Tu bouges, tu bouges. Bougez, bougez, bougez. Oui, ça va passer, ça passe, ça passe. Bougez encore, bougez encore. Bougez encore. Bougez cette main là, bougez. Bougez cette main, il y a là. Oui, il y a l'onction qui passe. Oui, il y a l'onction qui passe. Il y a l'onction qui passe. Il y a l'onction qui passe. L'onction royale. Ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Karamash Keteas. Que cette onction descende. L'onction descende. Oui, il y a un papa qui reçoit l'onction. Il y a un papa, il y a un frère qui reçoit l'onction. L'onction royale. Il va dominer. Il va régner. Ramash. Bougez encore tes mains. Les deux, les deux, les deux. Il y a l'onction qui touche les mains. L'onction des finances. Ça touche les mains. Au moment où tu parles, je vois qu'il y a une onction qui est en train de changer tes mains. Il y a des mains qui recevaient et qui perdaient. Tu reçois, tu perds. Tu reçois, tu perds. Mais pour le moment, ça ne peut pas se perdre. Bougez les mains. Et il y a des gens qui seront touchés. Ils ne supporteront pas cette onction. Bougez encore. Bougez encore. Bougez encore. Bougez encore. Oui, il y a une onction qui passe. Il y a une onction. Que tes mains soient libérées. Que tes mains soient libérées. Que tes mains soient libérées. Que l'onction libère tes mains. Que l'onction libère tes mains. Que l'onction libère tes mains. Que l'onction libère tes mains. Rakash. Continue à prier, continue à prier. Aidez la combat. La présence de Jésus ce soir est plus que ce que Samuel a fait à Saül. Si la fiole d'huile sur Saül a changé sa vie, ce soir, l'onction du Saint-Esprit va changer ta vie. Saül a commencé une nouvelle marche. Après l'onction, je prie ce soir, après ce moulima, que tu commences une nouvelle marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu avais perdu, retrouve-le. Au nom de Jésus. Que la position dans ta vie change. Oh, il y a des positions qui vont changer. L'onction impose la position. L'onction impose la position. Elle a imposé David dans sa famille. L'onction va t'imposer. Oh, le temps est arrivé. Même les gens de ce monde, ils ont dit, Saül aussi est prophète. Bien avec l'onction. Si quelqu'un a tué 1000, toi tu tueras 10 000. Tu tueras 10 000. L'onction te fera dépasser à ceux qui n'ont plus l'onction. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Parce qu'ils n'ont pas de connexion. Dieu passera par une connexion. Oh, je prie ce soir que l'onction de Dieu te connecte à des grands. À des grands. Tu vas siéger avec les grands. Tu seras connecté aux grands. Et ta vie sera changée. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On ne bloque pas l'onction. On ne peut pas bloquer celui qui a l'onction. On n'a pas bloqué David à Hébron. Même quand on refusait d'aller à Jérusalem, à cause de l'onction, il a continué sa marche. J'ai dit à quelqu'un, on ne bloquera pas ta marche. On ne bloquera pas ton avancement. Tu vas avancer à cause de l'onction. Dieu est vrai. Et il a voulu ce dernier jour te garantir par son onction. Alléluia. Dieu de gloire. Tu vas recevoir dans ta vie les choses que tu n'avais jamais reçues. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Regardez Saül. Son serviteur n'avait que des pains secs. Mais quand il a reçu l'onction, il a reçu d'autres types de pains. Toi aussi, tu recevras des grandes choses. À cause de l'onction de Dieu. Dieu de gloire. Oh Dieu fidèle. Lève tes mains. Seigneur, je prie ce soir. Tu as voulu que nous terminions Moulima. Avec un débordement de l'onction. Avec l'onction sur nos vies, sur nos têtes. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Quand tu quitteras ici, Seigneur, quand nous quitterons ici, quand nous quitterons l'église, à partir de demain, à partir de les années qui étaient perdues soient retrouvées. Que ce que nous avions perdu, les richesses de nos familles, que ces choses soient retrouvées au nom de Jésus. Quand nous quitterons ici, que notre position dans la société, dans la vie, dans ce monde, soit changé au nom de Jésus. Quand nous quitterons ici, que nous recevions des connexions que nous n'avions jamais reçues. Quand nous quitterons ici, que nous recevions du pain qu'on n'avait jamais eu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message prophétique qui parle du moment après la rencontre avec Samuel. Qui parle du moment après avoir reçu l'onction. Merci Seigneur. J'ai hâte de vivre ce moment. L'Église a hâte de vivre ce moment. Ça va se réaliser. Il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura des bonnes nouvelles. Je déclare sur ta vie. Désormais, tu auras d'autres nouvelles en quittant ces lieux. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction qui a coulé. Qui coule encore. Qui coule encore. Oh merci Seigneur. L'onction a fait de Saül. Il a fait faire à Saül ce qu'il ne pouvait jamais faire dans sa vie. Après ce mouli m'attend. Que tes enfants fassent ce qu'ils ne pouvaient jamais faire avant. Que ça se réalise ainsi. Seigneur, merci. Je bénis ce moment que tu nous as donné de nous retrouver en ces lieux pendant tous ces jours pour chercher ta face. Je bénis tout celui qui est venu. Tu ne quitteras pas comme tu es venu. À partir de ce soir, ta vie va changer. Tu vas entrer dans une autre dimension. À partir de ce soir, ta maison va changer. À partir de ce soir, ta famille va changer. À partir de ce soir, tout va changer. Tu auras même un autre nom. C'est pourquoi la Bible me dit, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. On n'avait jamais appelé Saül roi. On n'avait jamais appelé prophète. Mais à cause de l'onction, tu seras appelé de notre nom. Tu étais stérile, on t'appellera une femme féconde. Tu étais chômeur, on t'appellera travailleur. Tu étais derrière, on t'appellera devant. Tu étais le dernier, on t'appellera le premier. Tu étais méprisable, on t'attendra à cause de l'onction. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Je prie ce soir par l'appel que tu m'as donné avec l'alliance avec moi comme pasteur et serviteur en ces lieux. Ce peuple qui a passé des jours et des jours. Aujourd'hui, le temps d'étancher la soif est arrivé. Qui c'est le témoignage de Mouli Matran 2025. Ce n'est pas une histoire. Que ça soit un fait vrai. Qu'il y ait des témoignages qui vont brandir et dire voici ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous sommes dans la joie. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons ce soir. Thank you. célébrer le Seigneur pour tout le matin. ta main droite là où tu es. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Pas seulement dans l'église. Dans ta vie. Dans ta maison. Au travail. Et partout. Dieu va manifester sa puissance. Pendant juste une minute. Je ne sais pas, on dit Wabukomo Bonso. Il est puissant. Commence à remercier le Seigneur pour sa puissance. Juste remercie seulement le Seigneur pour sa puissance. Wabukomo Bonso. Oh, il est puissant. Là, il a décidé de changer les choses. Il a décidé de changer les choses. On chante sans instrument. Chante avec ton cœur. Oui, il est puissant. Il est le tout puissant. Il a toute la puissance. C'est le temps où il peut guérir les malades. Libérer des vies. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter ton Dieu. Rien ne peut arrêter Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Reçois l'honneur. Puissance. Gloire. Majesté. À cause de tout ce que tu feras dans la vie de chacun. Nous avons commencé avec toi. Seigneur, nous terminons Moulima, mais tu n'as pas fini d'agir dans nos vies. Je mérite de consacrer les jours qui restent pour 2025. Nous refusons les mauvaises nouvelles dans nos familles. Nous refusons les mauvaises nouvelles dans l'église et dans la vie de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, je proclame les bonnes nouvelles qui vont accompagner la vie de tes enfants. À toi l'honneur, puissance et gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous les serviteurs, les anciens, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, on se salue juste là dans la salle de fête pendant que la chorale. Tout va tout. Mabosso.